tu pleures de colère pour punir mes rires et mon cœur trahi. Pense quelquefois à s'évader de toi. Oui, oui, mais partir sans des yeux, c'est mourir un peu. De rayer les d'adresse, cet amour qui hier encore chantait très souvent en morte par le sermon. Ma pauvre raison, oui, oui, mais partir sans tes yeux, c'est mourir un peu. Deux fois si tu restes ce que tu es, je t'échapperai.